L'actualité à Nancy et ailleurs. Un nouveau Clean-up Day va se dérouler, ce sera à Jarville le 21 septembre et pour nous en parler, nous avons en studio Christophe Château, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Team River Clean 54. C'est ça, l'antenne départementale de la Team River Clean 54, qui est une association nationale avec le siège social basé à Toulouse. Au départ, la Team River Clean, c'est les nettoyeurs des berges des rivières. Donc nous, on était principalement au départ sur les bords des canaux, des rivières, des étangs. Mais maintenant, on se développe, on fait un peu partout, on nettoie. Le but, c'est de nettoyer tout ce qui ne doit pas terminer dans les océans, dans les mers. Le World Clean Up Day, c'est tous les ans vers le 20 septembre. Maintenant, la date va être connue au calendrier de l'UNESCO. Donc, ce sera tous les ans à la même date, du coup. Le but, c'est de faire un ramassage international. Tout le monde participe, tout le monde veut participer, nous appelle au sein de l'association. On fait un ramassage collectif, on divise, on fait plusieurs groupes. Le but, c'est de nettoyer le plus possible tout ce qui est plastique, mégots, carton, voilà, tout ce qu'on peut trouver dans les rues et au bord des berges. Et c'est pas la première fois que vous le faites, donc ça fait combien de fois que... Alors, moi, je suis ambassadeur World Clean Up Day depuis un an. Je le faisais déjà avant, c'est ma deuxième année. Du coup, maintenant, en tant qu'ambassadeur, on va agrandir cette façon de participer. Et vous attendez beaucoup de monde ? En moyenne, on compte une cinquantaine de personnes. Mais ça pourrait être bien plus, oui. Là, cette année, je pense déjà, parce que j'ai déjà pas mal de monde de la MJC de Jarville, j'ai des gens qui sont inscrits sur jeveuxaider.org, plus le journal, un peu ce qu'on fait le bouche à oreille. Je pense une centaine de personnes cette année. Alors, comment ça se passe, justement, ces ramassages ? Je pense qu'il y a des règles de sécurité à suivre. Comment ça se passe ? Alors, nous, on reçoit les personnes le matin, on fait un petit briefing. On prête les pinces, on prête les gants. On a des gilets aussi. On fait des petits groupes avec une personne responsable dans chaque groupe. Ouais. Et on calibre bien les endroits où on va nettoyer, oui. Des pinces, des gants, tout ça, c'est fourni ? Pinces, gants, sacs, pour ramasser les mégots aussi, avec des seaux. Oui, il y a tout ce qu'il faut. On arrive à avoir des dons et on fait des achats de façon à se retrouver indépendant complètement. À partir de quel âge on peut venir filer un coup de main ? On a des enfants qui viennent à partir de 8 ans, 9 ans, qui viennent par rapport, comme je disais, à la MJC de Jarville. Puis après, ça va, les retraités peuvent venir, il n'y a pas de problème. Tout le monde sont les bienvenus. Et ça va se passer donc à Jarville, mais dans quel coin ? Tout dépendra du monde. Ouais. Si on n'est pas beaucoup, on va se rassembler vers le centre. Si on a beaucoup plus de monde, on fera des groupes et on ira dans tous les quartiers. Et vous pesez après combien de... Voilà, donc après on fait un tri, on fait le tri sur place et on pèse. Le dernier coup, on a fait un mégoton là au mois de juin. Ouais. Mégoton, c'était en une matinée 18 200 mégots ramassés sur Jarville. Ah, ils voulaient compter en plus. On a des jauges avec des tubes, on les met dedans et puis voilà. Ouais. Après, ça peut aller à de 100 kilos, 50 kilos, comme il y a dans certaines villes, c'est beaucoup plus. Vous avez les impressions des gens qui viennent pour la première fois participer à un ramassage comme ça, ils sont étonnés, c'est quoi leur réaction ? Comme là, le mégoton, les nouvelles personnes qui sont venues ne pensaient pas ramasser autant. Ils ont tous été surpris de ce qu'on pouvait trouver. Oui. Alors, si on veut participer, notamment le 21 septembre, on peut aller sur le site jeveuxaider.org. Jeveuxaider.org, vous allez sur Team River Clean 54. Donc, on a l'association qui est inscrite dessus. Sinon, il y a les pages Facebook qui marchent très bien. Et puis, j'ai un numéro de téléphone, on peut m'appeler aussi. Donc, On mettra le numéro sur le site. Cette attention à la nature, ça peut être aussi toute l'année. On n'est pas obligé d'attendre ce 21 septembre. Quand on est en vacances, en balade, on peut déjà aussi avoir un geste comme ça. Alors, nous, avec l'association Team River Clean 54, enfin, même nationale, on a 6 antennes sur la France. On a à peu près plus de 1200 ramasseurs réguliers sur la France. Et on fait ça toute l'année, effectivement. Ça part du ramassage individuel. Chacun avec un petit sac, une pince, une paire de gants ramasse dans son coin. Ou après, on fait des ramassages collectifs. Voilà, mais il faut faire attention quand même quand on fait ce genre de choses. Hein. Voilà, ça peut arriver des endroits, il y a des seringues, il y a des objets dangereux, du verre. Il faut bien faire attention à soi, oui. Donc, rendez-vous le 21 septembre. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs pour leur donner le petit argument de plus pour venir ? Qu'on a besoin de vous, que la nature, ça doit rester propre. Quand vous savez qu'un mégot, c'est 12 ans à se détruire et 500 litres d'eau que ça pollue par mégot, quand vous voyez la dernière fois 18 200 mégots ramassés, sur la France, le coût du mégoton, c'est presque 1 million de mégots ramassés dans la matinée. Donc quand on voit que tout ça termine dans les océans, moi je dis qu'il faut du monde, que tout le monde se mobilise et qu'on ait une nature propre. Quoi. Et on peut retrouver les infos sur la Team River Clean, sur les réseaux sociaux notamment. C'est ça, voilà, Team River Clean 54. Merci Christophe. Merci bien. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.